Le sens de la couleur chez René Bazin d'Émile Baumann. Connaissez-vous ce livre exquis dont le titre ne dit pas tout ce qu'il enclôt, note d'un amateur de couleur? René Bazin y donne son sentiment, avec bonhomie, comme l'eût fait un honnête homme de jadis, sur le choix de l'heure dans un paysage, sur la façon d'en interpréter les lignes et la lumière, de rendre la nudité des espaces ou de les peupler par des arbres et des maisons. Il parle de quelques grands paysagistes, de Turner, de Rousseau, de Millet, du maître Ferdinand Gaillard, le graveur du sublime portrait de Don Guéranger. Il donne des louanges émues à l'architecte Sainte-Marie Perrin, mais surtout, il commente l'art en artiste. Il juge les paysages en paysagiste. Il chante la gloire de nos arbres comme il célébrerait de vieux amis, longuement contemplés à toutes les heures, dans toutes les saisons. Il sait les peindre avec des mots, mieux que beaucoup de peintres sur une toile. Il les aime, et sent leur vie secrète aussi bien qu'il a regardé les tons divers de leurs écorces et de leurs feuillets. Dire d'un écrivain moderne qu'il est un coloriste, ce n'est point, en apparence, lui reconnaître un don très rare. Il se compte depuis Hugo, Théophile Gautier, Flaubert, ceux qui n'ont pas cru tenir au bout de leur plume un pinceau. Nous avons connu le temps où la critique jugeait utile de noter que Maupassant, se promenant sur l'eau, nommait 26 fois le rouge, 17 le bleu, 6 le vert, 5 le jaune et 3 le violet. Le public du XXe siècle semble s'intéresser à la couleur pour elle-même. Des gens qui ne sont pas tout à fait des snobs s'extasie devant tel gris, tel rose, et René Bazin voit en cet attrait un signe d'affinement. Il a raison si l'on oublie que cette délicatesse sensitive implique trop souvent une déchéance spirituelle. Pour des âmes qui ont perdu l'intuition des mondes invisibles, la joie des nuances est un paradis éphémère. Elle apporte l'illusion de pénétrer en les divisant jusqu'à l'intime des phénomènes. Malgré tout, l'appétit des choses colorées ne signifie pas l'intelligence des harmonies profondes, celles que nous chérissons dans les vitraux, les bannières et les costumes d'autrefois. De même, la prétention commune des écrivains à la couleur est loin de prouver que nos romanciers, en général, sont des coloristes. Mais l'être nativement, supérieurement, comme René Bazin, c'est une précieuse originalité. Il reçut ce don avec la lumière du jour. Son grand-père avait été un amateur de peinture avertie et même un peintre. Témoin, la légende du portrait de sa grand-mère, qu'il a transcrite dans un aimable récit. Or, parmi ses tableaux à la place d'honneur, entre son Fragonard et son Rosa Bonheur, mon grand-père avait mis le portrait de grand-mère, peint par lui, bandeau plat, fichu blanc, robe claire, et quel charmant visage, ovale et velouté, la mine ouverte avec cet air d'honnêteté, dont le front s'embellit et qui lui sert de voile, le regard lumineux, chaste comme une étoile. Enfin, pour mieux montrer qu'on n'était qu'au printemps, que le peintre l'aimait et qu'elle avait 20 ans, il avait esquissé comme une prime vert piquée à son corsage, et nous disions « Grand-père, la fleur, dans le tableau, n'est peinte qu'à demi, pourquoi, dites ?» Cette fleur, que l'aïeul, trop amoureux de son modèle, avait laissée incomplète, devait finir d'éclore dans les œuvres du petit-fils. René Bazin a toujours eu l'œil du peintre, la puissance de discerner et de retenir spontanément l'essentiel ou les détails d'un site, d'un logis, d'une figure. Il part, en écrivant, des formes sensibles bien plus que d'une idée. Nous n'irons pas chercher au fond de ses romans des abstractions métaphysiques, des complexités morales. Une doctrine saine, la substance catholique délicatement assimilée, des affections simples, beaucoup de sympathie et d'aménité compatissante, le goût de ce qui est aisé, fier, élégant, la joie de l'amour et l'amour de la joie, ces éléments heureux suffiront à nourrir sa vie. Il l'écrivait au début d'un de ses voyages. Je ne vous étonne pas si je ne débute par aucune considération générale. Je n'ai fait aucun plan, aucun projet, sauf de bien voir. » Le souci de bien voir est d'un peintre plus que d'un moraliste. Sans doute, sous ces deux mots, René Bazin logeait-il la volonté de comprendre. Et dans sa pensée, bien voir, c'était aussi bien entendre, quoique chez lui, les perceptions visuelles dépassent en énergie les impressions auditives. Mais certains yeux d'artistes s'arrêtent au contour des objets avant d'être saisis par les vibrations de l'atmosphère. Lui, c'est la couleur qu'il semble, de prime abord, distinguer. En arrivant près de New York, il regarde autour de la baie la multitude des navires. Ils sont presque tous dans la demi-lumière, gris sur l'eau jaune. Leur fumée, tout ensemble allongée dans le ciel, forment un nuage pas plus gros qu'un trait de crayon. Un rayon de soleil tombe sur une voile petite qui devient comme un phare. L'étendue magnifique est mesurée par des points colorés. Quelquefois même, on dirait que, pour sa vue, les couleurs constituent la plus forte réalité des masses. D'Avignon, un jour de Mistral, il contemple le Mont Ventoux. À la distance et à l'heure où nous sommes, le Mont Ventoux apparaît comme une vague toute rose, un peu violette à sa base, nette de contour et transparente, comme un peu de lumière arrêtée et fixée. Si mes compagnons ne m'assuraient pas qu'il est entièrement solide, immobile, reconnu et mesuré par les géographes, j'aurais peur de ne plus le retrouver là, ce soir, quand je reviendrai. Les nuages jouent si souvent aux montagnes quand ils ont le temps de flâner. Cette notation de lointain laisse-t-elle surprendre une tendance à dissoudre les formes en quelque chose de vaporeux, d'insubstantiel, comme Shelley eût aimé le faire dans une strophe pareille à celle-ci? Le tissu des feuilles fait de la lumière bleu foncé du jour et des sombres clartés de minuit un réseau aussi changeant que les ombres dans les nuages charmés. Assurément non. René Bazin demeure un ferme réaliste. Il croit d'une foi pleine à la vérité des choses visibles. Mais le propre du coloriste est de se complaire au changement prismatique de la clarté. C'est la lumière, observe-t-il à propos de la terre sicilienne, qui donne aux plus arides paysages son perpétuel mouvement. Là où des vapeurs décomposent la lumière, voilent et subtilisent les reliefs, elle déploie avec plus de charme les charmes de la fantaisie. La brume répand le soleil tout autour de l'horizon. Quel peintre que la brume, s'écrie-t-il devant un village hollandais, quel coloriste! À quoi elle réduit le rose des toits. Pour ce motif et d'autres, les sites qui l'ont le plus ému ne sont pas ceux de Provence. Les grands pays, comme disait Tennyson, blanchâtres sous le vent, ni ceux d'Espagne, de Sicile et d'Orient, bien qu'il se soit promené par tous ces pays en celte perspicace, épris du nouveau, ayant le goût de l'imprévu dans la beauté, c'est-à-dire le don de varier son bonheur. Les horizons qu'il a fait siens appartiennent bien plutôt aux régions du Nord ou de l'Ouest océanien, à l'Alsace, à l'Angleterre, à la Hollande, à la Flandre maritime, à la Bretagne, à l'Anjou, cela va sans dire, et surtout à la vallée de la Loire, à son blégeois ancestral, où les haleines du fleuve et l'air très lumineux composent une atmosphère veloutée comme le duvet d'une pêche mûre, humide après l'aurore dans la rosée. Pareillement, l'heure qui a ses tendresses n'est pas le plein midi d'été, alors qu'un filet d'ombre bleuâtre abreuve à peine le creux des pentes, que le ciel, d'un blanc pâle, fait l'herbe presque noire autour du moulin, sur la butte, et que la terre semble souffrir d'être toute nue sous le soleil. Il aime davantage la couleur de prune des bois vaporeux, au matin, la fin d'un après-midi de printemps, ou les lueurs flottantes d'une nuit qui n'a pas de souffle. Il faisait frais. L'aiguille alourdissait les herbes. On voyait à courte distance la terre des champs et la ligne commençante des haies, comme des ombres de deux puissances, celle-ci très noire, l'autre un peu grise et sans aucune luisance. Le chemin était plus clair, à cause de la rosée sans doute et des parties usées par le pied des bêtes. Mais le ciel éclairait comme une veilleuse. À d'immenses hauteurs, il y avait au-dessous des étoiles une nappe de lumière diffuse, pareille aux eaux transparentes qui restent au creux des sables lorsque la mer est basse. Elle continuait le jour passé et se fondrait dans le jour nouveau. Elle ne faisait pas de grandes ombres comme la lune. Elle n'était pas l'aurore, mais elle dominait la campagne, d'occident en orient, et elle pâlissait les étoiles. Tout dormait. C'était l'heure sans crainte, le milieu de la courte nuit d'été. Une saison entre toutes le ravit, l'automne, fragile et nuancé. L'automne a été fait pour des yeux comme les siens. Ils inscrivent avec des voluptés attendries les minutes d'un éclat qui va s'anéantir. Trois automnes, observe-t-il, doivent être définis. Celui du bouleau, celui de la vigne et celui du chêne. Quant à l'hiver, il n'existe pas. J'ai demandé au vigneron « Est-ce janvier ?» Il m'a répondu « Le vin s'agite dans mes fûts à cause du grand vent qui court au-dessus de nous. La sève aussi doit remuer dans les ceps. D'ailleurs, autour de mon clos, les saules ont leurs branches rouges comme des engelures. » Parole d'un homme de l'Ouest, des pays aux longs automnes et aux renouveaux précoces, où le ciel bas des mois pluvieux réchauffe le vert éteint des prés, exalte celui des lierres et des houx. Les ruraux appellent ces temps-là des temps verts. La moindre rougeur à la pointe des buissons paraît alors flambée. Même les feuilles débuées des chênes au bout des plus hautes branches agitent une flamme vague. Sur une simple route, en traversant les futaies, dans la campagne angevine ou vendéenne, un peintre né comme Bazin trouva une école de finesse, les teintes fondamentales de son coloris, et le coup d'œil du chasseur, du propriétaire, ajoutait à celui de l'artiste une précision plus vigilante. Cependant, il ne devait pas être, à la façon de Mistral, le poète d'une seule région. Rien n'est plus différent que les forêts des Vosges ou le bocage vendéen. Bazin, dans les Oberlais, nous donne la présence d'une forêt d'Alsace aussi intime que s'il l'avait toute sa vie fréquentée. Il applique ses facultés de coloriste à l'expression des villes comme il le fait plus spontanément au paysage sylvestre. Il sait plus à décrire les ruelles du vieux Malte et, ce qui est plus singulier, la féerie nocturne du décor de New York. Toutes les rues, des milliers de rues que je ne soupçonnais pas, divisent en se croisant le double espace des ombres d'avant la rivière et des ombres d'après. Ni la tristesse, ni avec elle la grande paix des ténèbres, n'ont pu s'emparer de la ville. La joie des grands feux de bois, l'étincelle est partout. Les deux ponts mirent leurs puissantes lanternes dans les eaux, sur lesquelles mille fanaux de barques et de navires tremblent et s'avancent. À l'extrême horizon, sur la terre, dans la nuit, je découvre des lueurs minuscules qui sont des groupes de lampes électriques comme dans le ciel des étoiles toutes menues. Et le nombre est si prodigieux de ces lumières, l'illumination est si puissante que le grand voile, toujours flottant sur les villes, est clair au-dessus de l'East River, clair au-dessus des quartiers qui sont au-delà, mais non d'une seule teinte, comme est la vapeur rouge au-dessus de notre Paris. Par endroits, en beaucoup de ces avenues, de ces rues et de ces carrefours étendus devant moi, les lampes sont bleues ou orangées, ou d'un or très pâle, et je ne puis dire la douceur de ces îlots d'une clarté de jour, d'une clarté matinale, dans la nappe couleur de nacre étendue entre la ville et la nuit. Seulement, une réflexion imprévue corrige et humanise son enthousiasme de contemplateur. Que d'hommes doivent souffrir et mourir pour que New York soit ainsi parée. Avec sa promptitude de sensibilité, il aurait pu n'être en face de la nature qu'un impressionniste. Mais l'impressionniste impose au réel le caprice d'une synthèse chimérique, où il subit follement la hantise d'un détail, il en gonfle sans mesure l'importance. Si René Bazin est captivé par le détail, quelquefois même trop, il garde une fidélité attentive dans l'expression du tout. Il analyse avec méthode ce qu'il a saisi d'un regard. Il suit les lignes aussi bien que la couleur. Il atteint l'armature des apparences, il en scrute le mouvement. La bouffissure romantique ne l'a jamais atteint. Loin de grossir les objets, il tendrait plutôt à diminuer leurs proportions, comme pour se les rendre plus familiers, soumis et fraternels. Les analogies qui lui viennent sont volontiers gracieuses, mais d'une justesse qui les sauve de la préciosité. Il observe qu'une pierre rose est couleur de tige de blé noir. Il voit les montagnes de Sardaigne éclatantes le soir comme des glaïeuls rouges, ou reconnaît dans les yeux d'une Italienne le brun fauve veiné d'or des pétales de pensée. Son coloris par suite est bien portant, clair, fait d'images avenantes et souvent gaies. Lorsqu'il a rencontré des harmonies exactes qui lui plaisent, il est naïvement heureux. Il ne se demande pas si son allégresse est vaine. Savoir qu'il n'épuisera même pas une goutte de l'immense vie, c'est pour lui, chrétien, un motif de louer Dieu infiniment. Souhaiterait-il de rien épuiser? À l'entendre, celui qui a le don des yeux peut courir le monde. La pénétration d'un paysage est une opération rapide. Madame de Sévigné, La Fontaine, aurait aimé cette maxime. Il insiste pourtant beaucoup plus que des classiques ne l'eussent fait. Il choisit dans une riche matière les touches vives qu'il dégagera. Mais s'il pose devant lui la chose qu'il veut peindre, il ne la subit pas au-delà de certaines limites. Son équilibre exclut la violence des fanatismes. Il ne connaît pas les dégoûts qui suivent d'excessifs transports. Il n'aura point à se repentir d'idolâtrie féroce. Entre son art et sa vie, la modération de ses élans maintient, sans artifice, une consonance affectueuse. Cet optimisme, on le devine, enveloppe un péril. La nature n'offre pas seulement des harmonies, ou plutôt, ses finalités exigent d'apparentes discordances. Une loi divine veut que les faibles servent à la pâture des forts. La création semble établie sur cet ordre qui fait d'elle un bûcher d'holocauste. Les premiers monstres de l'abîme ne se conçoivent pas ayant pu vivre sans dévorer des millions d'animaux, sans se détruire entre eux. Et cela, bien avant que l'homme eût infligé à l'univers l'horreur de sa chute. Depuis le péché et la mort, toute créature gémit, attendant la révélation des enfants de Dieu. L'histoire humaine n'est en effet qu'un gémissement. Un écrivain qui l'oublierait démentirait sa condition et sa mission de témoin. Les laideurs et les démences réclament une place dans ces tableaux de la vie. Rousseau lui-même et Bernardin de Saint-Pierre le comprirent. Mais ils furent acculés à l'inconséquente hypothèse « l'homme est bon ». C'est le milieu social qui le déprave. René Bazin, optimiste non par système, mais par bonne humeur et générosité, s'est préservé de leur chimère. Dans son âme de croyant persiste la notion du péché et l'attente du Rédempteur. Sans doute il aimait sur les paysages, sur les figures de ses romans, la couleur de beau temps et d'espérance qu'il porte en ses yeux bleus. Le spectacle du mal ne lui cause jamais, semble-t-il, une épouvante ni une nausée. Pourtant, il le considère d'un coup d'œil net et douloureux. S'il le voit sans écœurement, c'est qu'il en a compassion. Il ne veut pas croire incurables les plaies qu'il étudie. Il est comme ces rares médecins qui, aimant leurs malades, ne se résignent pas à les juger perdus. Le dramatique de ses fictions s'attache en particulier au désordre qui ravage la vie familiale. Ainsi, Madame Corentine, Donatienne, la closerie de Chandolan, raconte la ruine d'un ménage. David et Biraud, la liaison d'un ouvrier avec une femme qui a quitté son mari. Dans L'Isolé, il suit jusqu'aux dernières conséquences la dispersion d'une famille religieuse et laisse entrevoir où peut tomber une pauvre fille sans tutelle. En exprimant le vice, il évite tout ce qui lui paraît directement brutal, impudique. Il observe cette règle par délicatesse naturelle. Il obéit à un scrupule religieux qu'on doit respecter, même si on ne le résout pas comme lui. À l'époque où il débuta, on n'imaginait guère un roman dépourvu de scènes d'alcôve, de crudités physiologiques. René Bazin eut l'indépendance de ne jamais chercher les gros tirages par cette recette facile et basse. La couleur dominante de son art lui interdisait au reste les furies bestiales. Néanmoins, il s'est indiqué avec une vigueur discrète, le simplisme grossier de l'attrait sexuel. Donatienne, par exemple, nous présente en raccourci la prise de possession d'un homme par une femme rencontrée au hasard des routes. Il est debout. Une lueur de phosphore brille, puis une flamme dans le creux de deux fortes mains qui la protègent. Le reflet, aigu, subi, tire hors de la nuit pluvieuse une figure qui apparaît, un instant de trois quarts, ferme et pleine, dessinée en traits rouges dans le noir de la nuit où elle se replonge presque aussitôt. C'était une femme. Elle avait regardé du côté de Louarn. Elle disait « Veux-tu que je fasse la soupe ?»« Non !» cria Louarn. « Allez-vous-en, je ne veux pas de vous !» Ils n'étaient pas séparés par 2 mètres. Ils étaient de même taille. Et la femme, s'étant baissée, sans tenir compte du refus, alluma une poignée de bois. Parmi beaucoup de fumée, une flamme s'éleva sous la casserole, éclairant l'herbe, et les enfants penchés, et le visage de la femme qui, maintenant accroupie, regardait le Breton de bas en haut, en riant avec une insolence, une assurance et une curiosité extraordinaires. Une deuxième fois, elle demanda « Veux-tu que je fasse la soupe ?»« Non !» Mais il ne fit pas mine de la chasser. Elle avait des cheveux abondants, noirs, crêpelés, relevés sur le sommet de la tête et pas de bonnet. Elle observa Louarn un long moment. Le feu jaillit en flambée. Alors, la femme, se relevant tout doucement, souple et sans cesser de regarder Louarn, dit, mais d'un autre ton qui mordait le cœur, dit « Veux-tu que je fasse la soupe ? Tous les jours, tant qu'on ne se déplaira pas, tu ne peux pas nourrir ces enfants-là, voyons. » Il ne répondit pas et s'éloigna, hors de la portée du feu, dans le noir, sous prétexte de ramasser du bois pour alimenter le feu, mais tout le temps il la regardait, jeune encore, laide et forte dans la lueur dansante. Et quand il revint, il ne répondit pas davantage, mais il resta, et il mangea la soupe qu'elle avait faite. L'épisode, sombre et furtif, doit une part de sa beauté au sous-entendu. La force vient de la justesse qui simplifie. C'est un des rares passages, dans les romans de René Bazin, qui donne le sourd frisson d'une présence démoniaque mêlée aux forces naturelles, car chez lui, en général, les bons anges président aux aventures de ses héros. Les autres sont relégués si bas, dans les ténèbres, qu'on ne les sent plus passer. De même, s'il contraint parfois son regard à vérifier des hideurs physiques, il atténue aussitôt la répugnance par une image lénifiante. Reginald Reynolds, dans La Barrière, examine l'intérieur d'une salle d'hôpital où une femme du monde panse une vieille dont un cancer a dévoré la face. L'enveloppe de toile détachée tomba comme un plâtras, et sous la lumière crue, les joues apparurent, broyée jusqu'aux dents, boursouflée et purulente autour de la plaie qui allait du coin des lèvres jusqu'à l'oreille. Le romancier a bien raison de ne pas insister sur la chose horrible. Mais où nous le reconnaissons, c'est qu'il en extrait un tableau plein de charme. Elle touchait cette souffrance avec une pitié, une tendresse, qui semblait avoir appelé toute son âme dans ses doigts craintifs et sûrs cependant. Il voulait, ils imploraient, ils aimaient, et les deux femmes étaient si près l'une de l'autre que le profil pur et jeune de l'infirmière paraissait baiser la joue ravagée et se dessinait pâle sur le chancre sanglant. Cette indication, d'ailleurs admirable, suffirait à nous apprendre quelle couleur toute tragédie humaine reçoit de René Bazin. Il accepte, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est un artiste loyal, le spectacle de la difformité, de la pourriture. Il ne veut pas nier les suites de la faute. Il étend sur elle un voile de douceur, de miséricorde. ses romans, quelquefois, s'engagent dans l'impasse du tragique absolu, la terre qui meurt, avec la mort de Mathurin, les Oberlé, avec l'anathème que lance M. Philippe au préfet allemand. Le plus souvent, les conflits des volontés, le désordre et la violence ne vont pas jusqu'au bout de leurs effets terribles. On s'attendrait à des explosions meurtrières, à des catastrophes. Et tout s'apaise, où les personnages échappent aux plus sinistres aventures. Un des contes de Bonne Perrette, La Grande Honorine, s'ouvre sur une impression triste, l'histoire d'un chardonneret qu'un épervier a massacré. Mais le conte, ensuite, montre une femme sauvée grâce à l'ange gardien de son petit enfant. Là où les teintes s'assombrissent, on voit toujours entreluire quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Le tragique de Bazin demeure intime, concentré dans le secret des âmes. La barrière à cet égard me semble une de ses plus belles œuvres. L'accord est constant entre le ton spontané de l'écrivain et la réserve de ses héros. La scène où Reginald refuse de boire à l'église anglicane, celle où il s'explique avec son père et sa rencontre à Rome avec Marie, la dignité haute et mélancolique de leurs entretiens, cet adieu devant l'avenir incertain mais fondé sur des espoirs immuables, la silencieuse tristesse du père et du fils que leurs croyances ont divisé, tout cela font heureusement la distinction française et le sérieux anglais. Et l'esprit du romancier se meut dans cette atmosphère comme si elle était créée pour lui. La vérité intime de la couleur se communique à l'accent du récit, au portrait comme au dialogue. J'imagine que Gainsborough eût aimé la manière dont René Bazin a peint Marie Limerel et sa mère. La couleur de ses cheveux traversés de soleil était extraordinaire, mais l'admirable, c'était autre chose. C'était l'harmonie du geste, la souplesse de la taille qui se dressait et se penchait, des épaules, des bras tendus, l'espèce de consentement de tout le corps pour exprimer, dans le plus simple mouvement, la grâce d'un être fier et d'une race vieille et fine. En ce moment, la parenté était éclatante entre l'enfant et la mère. Ces deux fronts droits, si purs et si fermes, enveloppés de cheveux sombres, qu'elle relevait presque de la même façon, et qui avaient des reflets en spirale, d'un or profond, comme des traînées de sève. Ces beaux sourcils étroits dont l'arc était parfait, ces dents d'un émail laiteux, cette blancheur de la peau où le sang n'affleurait nulle part et se devinait partout, riche et ardent, cette bouche fine, spirituelle, florentine par la courbe nette et longue, parisienne par le retroussi naturel aux deux coins, et ces coups menus, aisés, et cette souveraineté d'un regard qui n'est jamais sans pensée. Que de signes qui affirmaient, sous les ressemblances physiques, le partage des mêmes dons de l'esprit et de la même sensibilité. Avec son goût des nuances et des tendresses, Bazin devait exceller dans les portraits de femmes. Il en caresse les détails, chastement, non sans délices. Les femmes de ses romans ont pour signe tantôt une alacrité vigoureuse comme David et Biraud, tantôt une douceur fluette, maladive, telle la petite Anna Le Floch, tantôt un stigmate de faiblesse passionnée, Frosine, celle que David voudrait sauver, Marie Schwartz, l'ouvrière vouée aux sombres défaillances. Les mères, les sœurs, les fiancées, pour la plupart, sont exquises, quelques-unes à l'excès, parce qu'en elles, les fragilités et les bassesses de la nature semblent trop aisément s'être anéanties dans la perfection de l'amour ou du sacrifice. Les visages d'hommes sont plus solides, étant moins beaux. Le romancier les trace, d'une plume attentive, après une longue analyse. Le père Biraud, tailleur de pierre, paraît aussi exact que Sir George Brenolles, le baronnet. Les paysans surtout sont vus de près, dans leur travail, leurs habitudes, leurs vertus, leurs méfiances, dans leurs innombrables rapports avec les outils, les bêtes, la maison, les terres de la ferme, l'horizon de la paroisse, et celui plus large, de la province ou de la patrie. On s'est étonné que Bazin leur attribue communément un langage correct et fin, toujours mesuré. Il faut comprendre son point de vue et la tonalité de ses livres. Les paysans d'Anjou, de Touraine et de bien d'autres régions françaises restent, par plus d'un trait, des aristocrates. Jouissant d'une tranquille indépendance, ils ont un parler plein de modération. Qu'on n'aille pas les croire incapables de sentiments délicats. De sa pratique des campagnards, René Bazin a voulu retenir une impression d'honnêteté. Il les fait parler comme il lui parle dans la vie. Ce qu'ils disent dans ses romans reste vraisemblable, c'est l'expression d'un aspect. Seulement, il y a chez les paysans et dans leur langage des singularités locales ou personnelles qui l'éliminent. À peu près de vocabulaire, brusqueries impulsives, âpreté des manies, truculence des métaphores, et quand il se livre à la boisson, accès de brutalité cynique. Avant lui, Balzac, Maupassant, Zola s'étaient complus à mettre en saillie la dégradation, l'animalité du paysan moderne. Ils ne les calomniaient qu'à demi. Partout où la tradition religieuse succombe, le rural, hors de la terre et de l'argent, n'admet plus rien. On rencontre pourtant des coins réservés, des persistances merveilleuses d'hérédité chrétienne et française. Ces nobles boutures, Bazin les greffe en ses personnages. Il s'en aide pour composer un Julien Noëllet, un Lumineau, une famille Fruitier. De la sorte, il prépare ou sauve une France campagnarde fermée selon ses beaux exemples. Dans une même pensée, il démêle, au milieu de la classe ouvrière, des hommes de bonne race, des artisans probes, tels ce Vincent Fruitier, dont il suit, au sortir de la ferme paternelle, les étapes d'apprenti forgeron, puis de mécanicien, enfin le retour à la terre. Vincent existe, il est très possible, mais il semble un être d'exception, en ce que les vices et les sottises des prolétaires n'ont aucune prise sur sa conduite. Le mauvais ouvrier, l'aigri, le révolté, le brutal, n'est pas absent des livres de René Bazin. De toute son âme, David Ébirot esquisse vivement des scènes de grève. Néanmoins, les physionomies de Brut répugnent à son pinceau. Et quand il décrit des épouvantes, c'est comme si la fournaise d'un incendie se répétait dans le courant d'une eau rapide. L'image frémit, mais l'élément du miroir n'est pas troublé par cette violence. Ce désordre lui demeure étranger. Portraitiste sincère et vibrant, René Bazin s'efface, autant qu'il peut, devant ses modèles. Il veut les voir tels qu'ils sont. Son art atteste une flexibilité surprenante. Le même observateur qui se divertissait à dessiner sur un toit de Naples, Pappalardo, le clarinettiste au nez de Polichinelle, s'est fait l'historien scrupuleux du père de Foucault. Cependant, sa complexion personnelle est si impérieuse qu'il transporte selon lui les figures et les âmes. Supposons un instant les œuvres des romanciers contemporains offertes à nos yeux comme une galerie de tableaux dans des salles distinctes. Si nous visitions la sienne, aussitôt sans chercher la signature, nous reconnaîtrions sa main. Un dessin ferme et onduleux, un coloris léger mais tendre, du vert et du bleu, plus encore de gris rose, de gris argenté, de l'air, du mouvement dans les espaces, certains détails un peu trop finis, mais combien justes, et de la grâce harmonisée avec la sagesse, des profils féminins d'une pureté charmante, et des faces de paysans fortement musclés, honnêtes et lumineuses. La vieille santé, la finesse, la dignité française, modernisée par des ombres d'inquiétude. L'émotion religieuse, enfin, une figure plus âpre d'ascète, des intérieurs d'église, des mains qui se joignent en tremblant, des lèvres murmurant de douloureux secrets. Cette visite à ses œuvres nous laisserait dans l'ensemble une impression de lumière douce et d'aménité. Les plus récentes nous la donneraient autant que celle de sa jeunesse. René Bazin a ce privilège très rare. Son automne garde la fraîcheur d'un ciel de printemps qui se teint d'une nuance de jonquille, le premier soir où l'on vient d'entendre crier les hirondelles. Ainsi s'achève Le sens de la couleur chez René Bazin, d'Émile Baumann.